5-7, observation, numbering from 1 to 29, ordinal numbers. Leçon 1. La première leçon. Leçon 2. La deuxième leçon. Leçon 3. La troisième leçon. Leçon 4. La quatrième leçon. Leçon 5. La cinquième leçon. Leçon 6. La sixième leçon. Leçon 7. La septième leçon. Leçon 8. La huitième leçon. Leçon 9. La neuvième leçon. Leçon 10. La dixième leçon. Leçon 11. La onzième leçon. Etc. Leçon 21. La vingt-et-unième leçon. Leçon 22. La vingt-deuxième leçon. Leçon 23. La vingt-troisième leçon. Etc. Note. 4. Quatrième. 9. Neuvième. 5. Cinquième. 11. Onzième. Premier. Première. Deuxième. Deuxième. Troisième. Troisième. Note that première, deuxième, etc. function like adjectives.